ici à l'insiche. Espice ou cannabis, douche de plastique pour les prétentieux dans ce bis. J'ai pas d'amis, BIH à la prod, carré de H dans la poche. Toujours pas le zen dans la poudre, c'est KOS à la mort. Vienne à trop la doser l'état, le sacrifier l'un des siens. J'suis plus dangereux qu'un cargo de C4. Do you understand? J'me lève que pour gagner. Esprit de fou allié, nuages criblés de balles perdues au bled. Y'a du soleil toute l'année. Attiré par la maille, je rétrécis mes poches, ne grossissent pas. Pour l'instant, Apophis, tu l'écoutes avec un verre de sky, un gros cigare. J'ai plus les nerfs à rester cosy, t'es dépassé comme un Toshiba. Le temps passe, j'vais creuser le fossé, il sera jamais tombé aussi bas. Bah, bah, balle dans la tête, moi si j'meurs, c'est à 2,60. Sans mi paire au volant de mon 4-2, y'a pas d'autre façon. J'risque pas de percer sur un coup de chance, je laisse planer le doute. On fait parler les douilles, 9 mm sous le blues. C'est Pelé qu'on est partout, Pelé qu'on est partout. Trop fier, j'vais pas tromper mon skull dans leur putain de partout. Ouais, c'est moi le meilleur, espèce de fils de pute. J'vais les baiser, ce sera plus hardcore qu'une de hute. C'est Pelé qu'on est partout, Pelé qu'on est partout. Trop fier, j'vais pas tromper mon skull dans leur putain de partout. Ouais, c'est moi le meilleur, espèce de fils de pute. J'vais les baiser, ce sera plus hardcore qu'une de hute. Moi le verre de Jack pur, là j'suis avec mon baise à wham. MC on te laisse à poil, avec mon gun on te baise à trois. À t'écouter, t'as tout vécu, t'affronter c'est délicat. Avec un canon dans la bouche, t'es drôlement moins efficace. Et moi j'encule vos morts, le game c'est un champ de cadavres. Ils s'inventent une vie de cowboy après 2-3 heures de garde-à-vue. Parce que dans le rap suisse y'a 80% de pisseux. Ils en m'étraquent dans leur playlist, j'ai leur carrière dans mon viseur. Toujours en plein esprit, j'ai jamais ressenti la crise. Viens pas me gratter un fit, là je rêve d'éclater un flic. C'est de plus en plus chaud, ces fils de pute nous puissent au sonar. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, moi je suis devenu insomniaque. Ancré au terre-terre, cherche pas à me déstabiliser. Je suis de la graine de Youvoir qui pense qu'à rentabiliser. Je vois des billets verts partout, je deviens parano quand je cogite. Hip hop et argent sale, je marche en solo, je pense qu'au shit. C'est Pelé qu'on est partout, Pelé qu'on est partout. Trop fier, je vais pas tromper mon skate dans leur putain de partout. Ouais, c'est moi le meilleur, espèce de fils de pute. J'vais les baiser, ce sera plus hardcore qu'une de hute. T'es Pelé qu'on est partout, Pelé qu'on est partout. Trop fier, j'vais pas tromper mon skate dans leur putain de partout. Ouais, c'est moi le meilleur, espèce de fils de pute. J'vais les baiser, ce sera plus hardcore qu'une de hute. J'suis la racine de ce rap game, mais il s'accrocherait des branches qui cassent. Apophis, rappeur pro, vous êtes tous en apprentissage. Maintenant tu sais comment je m'appelle. KOS en fout la merde, sa mère t'as la haine. J'roule des gamos que ton père n'aura certainement jamais. Qu'est-ce que tu vas faire à part attendre le prochain extrait? Les mecs allez vous vendre, allez vendre des merguez. Les seuls rappeurs que je respecte me donnent aussi du respect. Je dis tout ce que je me permets, les autres peuvent aller se fermer. C'est Pelé qu'on est partout, Pelé qu'on est partout. Trop fier, j'vais pas tromper mon skull dans leur putain de partout. Ouais, c'est moi le meilleur, espèce de fils de pute. J'vais les baiser, ce sera plus hardcore qu'une de hute. C'est Pelé qu'on est partout, Pelé qu'on est partout. Trop fier, j'vais pas tromper mon skull dans leur putain de partout. Ouais, c'est moi le meilleur, espèce de fils de pute. J'vais les baiser, ce sera plus hardcore qu'une de hute.